Ah non, non, toi, tu élément, c'était le micro. Il me vient dans cet échange autour de la question de droit, mais je suis très loin d'être compétent, et surtout sur la notion de collégialité. Parce qu'il me semble que c'est une dimension absolument essentielle de nos métiers de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, et c'est une dimension qui est revendiquée et très difficile à codifier. Et justement, de ce point de vue, il faut faire attention de ne pas tout codifier en termes d'obligation, de faire, de ne pas faire, de faire un rapport, de se soumettre à telle ou telle autorité. Et je pense que ce mode de fonctionnement, qui n'est pas parfait, hein, qu'il ne faut pas idéaliser, mais qui a été le mode historique de fonctionnement intellectuel des collectifs intellectuels d'universitaires et de chercheurs, c'est un mode original. Et il faut absolument faire en sorte que nos collègues, en particulier les plus jeunes, s'approprient cette dimension qui est qu'on ne peut pas séparer de l'activité de recherche et d'enseignement pour ceux qui sont enseignants-chercheurs. Et il ne faut surtout pas que par paresse ou par désintérêt ou parce que c'est difficile, ce qui a été souligné tout à l'heure par une intervenante qui sait de quoi il retourne, eh bien, nos collègues se défaussent de cette dimension consubstantielle de notre métier d'enseignant-chercheur en disant « oui, il y a des gestionnaires, il y a des spécialistes de la chose, il y a des spécialistes du management » et qu'en quelque sorte, les enseignants-chercheurs ou les chercheurs, ils aient certes leur champ de compétences réduit à la recherche et à l'enseignement et que pour ce qui est de la vie des collectifs que sont les départements d'enseignement, les laboratoires de recherche ou plus globalement les instances collectives de la recherche ou de l'enseignement, on se défausse sur des spécialistes du management. Là, il me semble que ça serait un très très lourd danger. Et c'est dangereux, tout le monde le comprend bien, mais on voit bien aussi la limite de ce qui peut être codifiable en termes de droit. Je pense que c'est pas si simple que ça. S'il y a des gens qui ont une réponse formellement juridique sur cette dimension-là, je serais heureux de l'entendre, mais je ne crois pas que ça existe. C'est justement ce qui fait l'originalité et la spécificité de cette revendication, de cette aspiration à la collégialité.